il va dire. Il va dire. Ils baptisent des trônes de poussière, couronne fragile dans la lumière. Moi je reste droit dans l'orage, un homme vrai, sans camouflage. Les faux prophètes parlent trop fort, chaque mot sonne comme un corps mort. Leur foule s'incline sans réfléchir, des idoles creuses qu'ils veulent servir. Moi je n'ai pas besoin de masque, chaque phrase est lourde sans phare ni phrase. Près de ce qu'ils marchent, franc et clair. Un chemin tracé dans les pierres. Silent thrones before the dust. Empty words will lose their trust. Brighter skill stands, flames ignite. Truth survives through endless night. Shadows fade, the core remains. Breaking free from all the chains. Silent thrones will fall. Ils répètent l'écho des anciens, des chaînes forgées par leurs mains. Chaque mensonge nourrit leur foule, chaque reflet devient une houle. Mais moi je parle avec franchise, ma voix est feu, ma route est grise. Rider's Kill renaît dans vos ombres, ma vérité ne s'effondre. Silent thrones will fall to dust. Fall to dust. Empty words will lose their trust. Stands, flames ignite. Truth survives through endless night. Shadows fade, the core remains. Breaking free from all the chains. Silent thrones will fall, will fall away. But my voice will always stay. Oh, vous cachez vos failles dans des miroirs, mais vos couronnes brûlent dans le noir. Moi je marche net et fort, chaque cicatrice devient un ressort. Silent thrones will fall to dust. Fall to dust. Empty words will lose their trust. Oh, rider skill stands, flames ignite. Truth survives through endless night. Shadows fade, the core remains. Breaking free from all the chains. Silent thrones will fall away. My voice will always stay. Oh, oh, oh. Vos royaumes s'éteignent dans la brume. Chaque mensonge finit en écume. Rider's Kill vit légitime et vrai. Un feu qui brûle, qui ne s'éteint jamais.